Mais là, comme c'est là, j'ai recommencé à fumer, j'ai vécu des affaires. Tu sais, ma mère est morte en avant de moi, là. Mais tu me dis, ça a été quand même, en tout cas de ce que tu me partageais, là, un deuil qui va bien là, présentement là, suite à son décès. C'est sûr que je suis moins troublé que d'autres dans la famille. Pourtant, j'étais le plus proche. Mais je le comprends mieux ce qu'elle a vécu, maman, qu'eux autres. Tu sais, je la connaissais. Ben c'est ça, c'est toi qui t'es occupé d'elle au chevet, là. Ben oui, pendant des années. Je veux dire, elle avait plein de problèmes de santé, ça s'accumulait, mais c'était des années pareilles. Elle pouvait pas vivre toute seule, pis elle voulait pas aller dans. Je dis, ok, je te promets d'y repas. Mais il reste vers la fin. Elle était rendue aveugle, les yeux étaient séchés. Mais elle était ici jusqu'à la fin, je veux dire, ça a été une journée et demie au centre de palliatif. Ça n'a pas été long, mais il reste que. C'est comme j'ai vu le monde qui allait la voir puis tout, puis la voir dans cet état-là, il capotait parce qu'ils la connaissent pas. Moi, je le savais. Tu sais, je la connaissais, ma mère. Je le savais qu'elle avait pas peur. Je le savais. Il y a un paquet d'affaires qui sont arrivées que j'ai été obligé même des fois d'agir par rapport à elle parce qu'elle pouvait pas. Puis que c'était rendu que les amis puis les proches. Il comprenait pas ça, puis c'était rendu un irrespect pour elle. Mais ça a duré 8 mois que tout le monde est venu la voir, je veux dire, des journées, il venait jusqu'à 13 personnes par jour. Puis le gros souper qu'il y a eu cet été, toute la famille est venue. Mais une fois rendu à la maison de soins palliatifs, que tout le monde était dans la chambre, puis que ma mère était vraiment en état de. Comment je pourrais dire ça? Ben, c'est une agonie, hein? Puis là, tout le monde était dans la chambre, la famille, puis tout. Puis c'est une maison de soins palliatifs. S'il n'y a pas d'aide à mourir là, c'est des religieuses qui patronnent la place. Mais tout le monde était prêt à dire de mourir. Je veux dire, ses frères, ils ont tous dit, oh là, tu peux te laisser aller, là, vas-y, là, meurs, on est toutes là, là. Mais moi, je la connais, ma mère. Puis je le sais que c'est pas une mère. Elle, mourir main devant tout le monde, c'est pas son genre, c'était quelqu'un de pudique, puis de. Ben, c'est ça, peut-être Fait que qu'elle là, était mon. pas exhibitionniste ou à se donner en spectacle devant le groupe, Ben là. là, moi, je l'ai senti que là, ça avait pas d'allure. C'est pour ça, là, j'ai dit, mais c'est un honneur d'être ton garçon, puis que tu me fasses confiance pour prendre soin de toi. Puis jusqu'au bout, ça va tout être toi qui décides. Ben, c'est sûr que c'est ça qui est le plus C'est toi qui sage, que ce décides. soit la personne dans son temps à elle, là. Par contre, les autres, ils ont peut-être voulu créer une ouverture pour dire, sens-toi pas coupable si tu veux mourir ou. C'est parce que les autres, ils regardaient puis ils voyaient pire qu'elle était. Ils pensaient qu'elle souffrait plus que. Tu sais, c'était pas drôle de la voir. Mais moi, je le sais. Tu sais, ils injectent du Dilaudil, puis je le sais qu'elle est pas si pire. Je la connais, je le vois quand ma mère a vraiment du mal ou pas. Puis là, je voyais, tu sais, elle pouvait plus parler rendu là, puis elle était aveugle, les yeux, c'était comme déshydraté. Puis. Mais moi, quand j'étais tout seul avec, je le voyais qu'elle était toute là. Parce que quand je posais des questions, la bouche changeait de forme, puis elle essayait de répondre, mais elle était pas capable. Ou des fois, je disais, t'es toute là, elle même va se mettre à gigoter, ça Mais là, réagissait. juste pour Je disais, ouais, clarifier je. les choses. Tu sais, ma mère, elle, c'était contre ses principes, l'aide à mourir. Puis c'était vraiment sérieux. Tellement qu'il a fallu maintenant, je mette mon pied à terre, parce que tout le personnel médical qu'il venait à voir, il lâchait avec ça. À un moment donné, j'ai dit à son médecin, traitant le principal, j'ai dit, là, vous allez écrire dans le dossier que ça ne l'intéresse pas. Parce que ça l'agresse, là. Vous la respectez pas quand vous faites ça. Parce qu'elle disait, elle dit, je veux rien savoir de ça, puis continuez. C'est un irrespect, il y a une idéologie, il y a un gouvernement d'incompétents qui veulent réduire des coûts en expédiant le monde au plus sacré dans la mort. Puis, qui mettent dans la tête du personnel que c'est plus humain puis il faut pousser ça au plus sacré. De revenir à la Tandis que ma charge. mère est morte sereine. Ouais, c'est ça. Je veux dire, elle est morte naturellement, normalement, puis elle avait toute sa tête. Mais Ça, je tu. suis sûr. Puis, sais, je veux dire, ce que j'ai vécu, moi, ce que j'ai vu, ça confirme tout ce que je dis. Tout ce que j'ai dit dans les dernières années, la famille, le ci, le ça, que j'ai parié là-dessus, je veux dire, les affaires que j'ai parlé, j'ai été testé avec. Ben, c'est tout été parfait. Ça, tu sais, ma mère, là, je le savais qu'elle voulait pas, que c'est elle qui décidait, puis que c'est quand elle voudrait. Puis finalement, ça a été, moi, je l'ai veillé toute la nuit avec mon frère. Puis rendu, tu sais, toute la nuit, plus le lendemain, j'étais allé dormir un peu, j'étais revenu vite fait. Puis c'est quand j'étais tout seul avec elle, puis mon frère, parce que j'ai dit à mon frère, j'ai dit, elle va pas mourir tant qu'il y a trop de monde, elle est trop pudique. Puis j'étais avec mon frère, puis je parlais avec mon frère, puis on parlait ensemble. Puis ma mère, je sais qu'elle nous écoutait. Puis du voir, on s'entendait bien, c'était calme, c'était le soir, c'était juste avant le souper. Puis là, maintenant, on a vu les yeux changer. Puis là, les deux, on a regardé, c'est comme si elle faisait, comme si elle nous regardait, mais je sais qu'elle pouvait pas nous voir. Puis là, elle s'est fermée la bouche pour la première fois depuis une journée et demie. Je veux dire, elle a passé une journée et demie à pomper son air, la bouche ouverte. Puis elle s'est fermée la bouche, puis elle a souri. Puis après, elle s'est ouvert la bouche, puis elle retenait son souffle, elle était là. Mais comme elle pompait, puis tout, puis qu'elle arrivait pas, là, juste le fait d'avoir tenu son souffle, quand elle a eu le réflexe d'essayer de reprendre son souffle, il était trop tard. Elle était plus capable. Son organisme, il était plus capable de reprendre le dessus. Puis là, j'ai entendu comme un son, comme de digestion, mais c'était son cœur. Elle est morte. Mais elle est morte, c'est elle qui est morte, je l'ai vu faire. Puis, sur le coup, j'étais tellement impressionné puis admiratif de ma mère que ça a tellement. J'ai été un bout de ça, tellement avec que je ressens vraiment la perte, là. Puis j'étais tellement impressionné. J'étais tellement admiratif, j'étais tellement fier d'elle. Vraiment, elle a tenu son bout jusqu'au bout. Puis, elle est morte selon ses principes, puis elle a eu une mort pas pire. Tu sais, je veux dire, ça a pas été horrible. Elle est morte vraiment. Puis, les derniers mois, c'était le fun, c'était beau. Elle était de bonne humeur, tout le monde qui venait en voir, qu'il y avait tout le temps quelqu'un ici, il y avait tout le temps du monde. Elle est vraiment en mort dans le respect puis l'amour, ma mère. C'est un processus naturel, mourir, il y a quelque chose d'important qui se passe aussi par rapport à toi puis ton vécu par rapport à ça. C'est les expériences les plus importantes de ta vie. C'est pour ça, moi, que ça mourir dans la dignité. Quand ma mère est morte, puis que tout le personnel puis la famille était là, parce qu'une fois qu'elle était morte, ma mère était pas qu'elle était coquette, mais elle essayait de préserver sa dignité. Fait quand le médecin venait la voir, elle voulait être baignée, elle voulait être convenable. Fait qu'une fois qu'elle était morte, je l'ai baignée, j'ai placé le corps, je n'ai pris soin qu'elle soit belle. Je l'ai placée pour que. Puis avant que tout le monde rentre dans la chambre, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit ma mère est pas morte dans la dignité, elle est morte dignement. C'est bien dit. Moi, j'ai écœuré d'entendre ça. Mourir dans la dignité, mourir dans la dignité. Il y a juste du monde indigne pour essayer de nous vendre ça de la façon qu'ils font. Parce que c'est pour des raisons de gestion, entre autres, puis de fond, puis de bien public, puis de vision de ce qu'est l'être humain qui s'est poussé ça. Ça n'a rien à voir avec la dignité, ça n'a rien à voir avec la compassion. Parce que moi, j'en reviens pas que quelqu'un qui l'a dit dès le début que ça ne l'intéressait pas, à quel point ils ont tout fait. T'as du monde qui vont prendre l'aide à mourir pour pas être un poids pour le système. Ils ont payé des impôts toute leur vie pour ce système-là qui était géré par des incompétents, qui s'est rendu de la merde, puis en plus, c'est eux autres qui se donnent le coup de grâce. J'espère que je vais vivre 1 000 ans malade, esti, puis que c'est Legault qui va me torcher. Moi, ça, ce serait plus ça. Parce que leurs heures, je vais lever le fly pour leur faciliter ça. Non, j'ai un phénomène, j'ai vécu là-bas, OK. que c'est spécial. Je vais m'en rappeler. Ma mère, quand les premiers temps qu'elle est arrivée à la maison de soins palliatifs, j'y tenais les mains, puis je touchais ses mains, puis mon frère aussi, puis ses mains, ils refroidissaient tranquillement. T'sais, je voyais, elle partait, sa main, elle tenait froide, puis là, ça montait. Le froid montait dans son bras. Là, quand j'ai vu ça, j'étais. Mais ça faisait 3 jours que je dormais pas. J'ai dit à mon frère, j'ai dit, il faut que j'aille dormir un peu. Puis quand je suis revenu, il y avait la femme de mon oncle, puis une autre conjointe par alliance, un autre de mes oncles, qui est une ancienne conjointe, qui était là. Quand je suis rentré dans la chambre, les deux, ils étaient là. Ils tenaient les mains de ma mère, puis ils récitaient le Notre Père. Fait que quand j'ai vu ça, tu sais, j'ai refermé la porte, puis je me suis retiré, j'ai dit, je vais y aller plus tard. Quand je suis retourné plus tard, les mains de ma mère étaient chaudes. Puis la chaleur n'a pas arrêté d'augmenter. Autrement dit, Puis, le fait de réciter notre Père l'aurait dynamisé sur le plan je sais énergétique. pas. Je sais pas, mais s'il s'est passé quelque chose, parce qu'il y a même, il y a une fille qui travaille là, je ne savais même pas qu'elle travaillait là. C'est une fille que j'ai connue à l'école. Quand je suis arrivé là, j'ai dit, puis elle, quand elle est venue changer les draps, à un moment donné, elle, ça n'a pas de bon sens, elle dégage donc bien de la chaleur. Elle a changé les draps, elle dit, on dirait qu'ils sortent de la sécheuse. Là, j'ai approché mes mains. Ma mère, elle irradie de chaleur. OK. C'était spécial. Puis ça, elle a eu Mais. la force d'étoffer plus longtemps, comme. Ouais. Puis aussi, c'est comme, il y a eu du monde qui était pas venu, qui a eu le temps de même, qui sont venus la voir. Mais le phénomène, je le comprends Ben, c'est-à-dire qu'on peut émettre des hypothèses. pas. Ouais, c'est tout, parce que Parce que dans le je peux fond, pas au vérifier. niveau énergétique, elle, est-ce qu'elle faisait du magnétisme Ma avant? mère, non. Mais OK. c'est une personne extrêmement magnétique dans le sens. Ma mère était tellement charismatique puis magnétique que ça en était spécial. Je veux dire, tout le monde l'aimait. J'ai rarement vu ça, quelqu'un de même. Tout le monde l'aimait. Même des. En tout cas, mais elle était magnétique. Tu sais, pas du magnétisme au sens comme du magnétisme, mais je parle, elle était magnétique, C'est elle ça, mais c'est parce avait. que dans le fond, moi, je l'entendais au niveau, par exemple, des guérisseurs qui vont dégager un champ Ouais, mais d'énergie. c'est lié. Ben, tout est interrelié, c'est sûr. Je veux dire, une personnalité magnétique comme ma mère, si elle avait décidé de faire du magnétisme, d'après moi, elle était bonne. T'sais. Je veux dire, même je suis pas en train de faire la promotion de ces affaires-là. Là. Même, parce que ça, j'en ai reparlé après, puis je veux dire, on l'a vu, on l'a tout vu. Surtout ma tante, là, celle que je suis le plus proche qui était là, j'en ai reparlé par après, j'ai dit, elle est revenue chaude après. Elle a dit, je le sais. Je lui ai dit, ben, comment ça, tu sais? Elle a dit, ben, tu sais, des fois, c'est ta mère. Il reste ma mère, c'était quelqu'un qui avait une vie spirituelle, mais c'était tellement pudique que tu pouvais pas le savoir. Mais après qu'elle soit morte, j'ai fait du ménage dans ses affaires, puis. Je veux dire, ma mère a tout le temps resté, a tout le temps cru au credo, elle. A jamais bifurqué de rien. Même si ça paraissait pas. Puis, ce qu'elle croyait quand elle était petite, c'était encore là. Puis je le sais que ma mère a prié, mais c'est juste ma mère, genre, a prié dans sa tête. Elle était dans son lit, puis elle, c'était comme une relation, c'était comme bien personnel, elle, sa spiritualité. Elle était catholique pratiquante. Elle était catholique, mais elle pratiquait pas. Mais ma mère, mettons, avait coché pour avoir tous les sacrements, là. Puis, d'ailleurs, elle avait choisi d'aller dans une maison, qui était tenue par, c'est catholique, là, où elle est morte. OK, mais sinon, suite à son décès, est-ce que dans les jours qui ont suivi, tu as vécu des rêves où elle était là ou des expériences? Oui, OK. Oui. Ben, il y a un rêve que j'ai fait. Que je la voyais dans le salon, dans le coin où ce que c'était assis tout le temps. OK. Puis là, je l'ai vu qu'elle était là. Puis là, j'ai dit, mais elle est morte. Elle dit, ouais. Elle dit, aide-moi à me coucher une dernière fois, puis on verra après. Puis là, dans le rêve, je l'ai aidé à se lever du fauteuil pour aller à son lit. Puis, moi, ce que j'ai compris là-dedans, c'était, il me restait à planifier la cérémonie. Suite au décès. Ouais, parce que là, il y avait le salon funéraire. Ma mère, elle, dès qu'elle a su qu'elle avait un diagnostic, puis qu'il n'y aurait pas de traitement, il n'y aurait rien, elle a tout planifié. Dans le fond, elle, juste pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent, parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'elle était atteinte de cancer. Elle avait plein d'affaires. Ma mère aimait Bon. ses souliers dessus. Mais bref, elle n'a pas été faire de la chimiothérapie, là. Non, ni radiothérapie, OK, ni donc, elle n'a chimiothérapie, ni pas rien. été dans l'aspect chimique. Est-ce qu'elle a fait affaire avec les médecines parallèles, des Non. guérisseurs, des mag... Non. Non. Non, ma mère, elle, ce qui est arrivé, c'est les médecins disaient, vous êtes tellement petite, vous êtes tellement faible. Mais il la connaissait pas, ma mère, parce que même d'ailleurs, quand il disait qu'elle allait mourir dans les heures, je disais non, non, elle est encore bonne pour un bout. Il disait, vous êtes tellement petite que le traitement va vous tuer. Ils ont plus rien faire. Fait que moi, ce qui est arrivé, c'est que bon, quand elle a commencé à avoir des problèmes avec son foie, puis qu'il était comme engorgé d'eau, j'ai fait des recherches, puis là, j'ai trouvé une herbe qui désengorge ça. Fait que ça a pu désengorger le foie un peu. Puis ça a désenflé. Il y a le chat qui a aidé, à un moment donné, avait les jambes tellement enflées, puis le chat, sans faire exprès, il a rentré une griffe dans la peau, puis il est sorti de l'eau. OK. Sa jambe a désenflé. Fait que là, je dis au personnel, l'infirmier qui venait le lendemain, je dis, moi, ce que je ferais, je piquerais l'autre jambe. Je dis, non, on peut pas faire ça, c'est pas une bonne idée. Là, je dis, ben moi, je trouve que c'est une bonne idée, il y a sûrement un moyen de drainer cette eau-là. Ça serait bien plus confortable. C'est pas une bonne idée. Ça lui a pris une semaine à allumer que j'avais raison. Une semaine. Pour avant d'y installer des cathéters puis des poches pour ramasser le liquide interstitiel. Puis il y a des fois, j'y trouvais pas vite. Ben, franchement. Il y a bien des affaires, c'est moi qui ai amélioré la qualité de vie de ma mère, puis c'est moi qui ai fait la recherche puis qui ai trouvé l'affaire. C'est à tout à ton honneur. C'est sûr que ça montre les limites aussi du domaine médical où ce que malheureusement, c'est souvent le proche qui accompagne la personne malade qui est obligé de faire la recherche puis de. Je trouve le pire, c'est le monde qui sont tout seuls. Ça, c'est clair, là. Les gens Parce qui... que Ouais. ma mère, même le monde qui ont des enfants, ils vont pas nécessairement faire ce que j'ai fait. Mais non. Même, je me rappelle une fois à la maison de soins palliatifs, quand c'est arrivé que là, j'ai dit. Ça faisait 3 jours que je dormais pas, puis juste avant, je disais à mon frère, je vais aller me coucher un peu. C'est une des femmes qui travaillent là qui m'a dit, allez vous reposer, monsieur. Vous n'avez assez fait. Puis sur le coup, moi, je réalisais pas, ça m'a choqué, elle me dit ça. Puis même, il y a une de mes tantes qui m'a dit, tu vas pouvoir penser à toi à cette heure. Ça m'a fait de la peine. J'ai pas envie. Tu sais, moi, j'aurais continué ça 10 ans, 20 ans. J'aimais tellement ça, j'osais avec. Elle était tellement intelligente. Mon père était cultivé, mais il était pas intelligent comme elle. Elle était pas aussi cultivée que lui, mais elle était bien plus intelligente. Ça se compare même pas. Je m'ennuie, j'osais avec, c'est sûr que je m'ennuie. Mais c'est un tout aussi, je m'ennuie, mais c'est aussi l'affaire de me sortir de la tête. J'ai vécu des années en fonction d'elle. Le monde, ils savent pas. C'est des affaires que je voulais garder privées, tu sais, je parlais pas. Mais finalement, mon bureau que j'ai ici, tu sais, j'ai ma conjointe que mon lit est là-bas, mais j'ai mon bureau ici, puis là, j'avais pas de place. Puis là, avec le temps, c'était mieux que je dorme ici. T'sais. Avec le temps, je me suis mis à dormir à terre. Puis, je trouvais ça moins compliqué de pas avoir à refaire mon lit, fait que plus les années avançaient, plus j'enlevais des affaires, j'ai fini par dormir direct sur le plancher. Ben, ça me surprend pas parce que je t'imagine être très épuré. Ben, je le faisais parce que c'était ce qu'il y avait de plus pratique. Mais d'un autre côté, ça m'a endurci le dos, puis ça m'a fait du bien. Puis, mais il reste, j'avais pas de vie. J'ai vraiment vécu en fonction d'elle tout le temps. Je voyais ma conjointe une fois par semaine. Le samedi après-midi. Puis des fois, je découchais. Si je suis pas trop inquiet. Puis même là, le matin, là, je viens de voir. Mais Mais tu en tout sais, cas, ma tu as été mère. très, très dévoué par rapport à elle. C'est sûr que dans le fond, c'est tout à ton honneur parce que c'est pas tout le monde qui vont être aussi dévoué en tant qu'aidant naturel là, par rapport à un J'avais pas le proche. choix. Je veux dire, Ben. si je l'avais pas fait, David, je serais tellement mal. Là, j'ai aucun regret, je suis bien, tu sais. Je m'en veux pas. J'ai pas de regrets. Mon père, j'ai eu des regrets. Mmh. Je m'en suis voulu. Ma mère, j'ai aucun regret. J'ai rien à me reprocher. Je suis content. Je veux dire, les dernières années, les derniers mois, ça a été beau. Ça a été. Elle a vraiment pu faire tout ce qu'elle voulait. Elle était même, elle disait les derniers mois, elle dit, je suis bien, je suis contente, je suis heureuse. T'sais, elle était bien. Elle était chez eux, c'était beau. Elle voyait du monde qu'elle aimait. Tout le monde est venu la voir, vraiment. Elle a reçu du monde comme ça faisait ses adieux pendant des mois de temps. Ben, Puis. tant mieux si ça, comment dire, t'as pu profiter de sa présence dans les derniers mois, puis Ouais, que à mais quel, là, à ouais. cette heure, par contre, on entre dans une phase qui est pas drôle. Ben, moi, je vais trouver ça drôle. Moi, je vais avoir du fun. Les derniers soirs, comme ma conjointe était là, puis je jasais avec ma mère, puis on jasait pour après. Tu sais, ça a été inquiète, puis tout. Pis elle a fini par dire, t'es pas mal plus armé que ton frère pour faire face à la vie. Puis c'est difficile à dire parce que mon frère, il a des gros salaires. C'est un mécanicien spécialiste, puis il a une belle situation. Puis, t'sais, il fait un job, il y en a deux, trois dans le pays qui ont cette expertise-là, qui est bien payé. Il entretient des machines compliquées. Puis pourtant, elle m'a dit, j'étais mieux armé que lui pour faire face à la vie, dans la vie. Puis, elle a dit qu'elle était plus inquiète pour moi que pour lui. Dans quel sens? Je suis mieux armé que mon frère pour faire face à la vie. Mais je suis bien plus porté à me mettre en danger. Je suis bien plus porté aussi à agir à me mettre dans la merde par principe. Toutes les années de temps que j'ai parlé sur Internet, je me retenais. Je me retenais pour pas que il arrive de quoi qui ferait de la peine à ma mère. Je me retenais pour pas qu'il arrive de quoi qu'elle pouvait à dire qu'elle avait honte de moi, qu'il y avait de quoi qui l'avait choqué. Donc pendant des années, j'ai vraiment, c'est une version vraiment édulcorée, j'ai vraiment fait attention.